là, il dit après. Si au moins il avait donné 10 000 ou 15 000 francs, on s'est apprenti à partir au moins 15 000. Ça, on peut réparer ça. Apprenti à partir de l'argent. Tu as fait 3 voyages. Il y a un chauffeur qui est venu encore un jour. Il a eu problème. Il a pris un camion, il a fait un rendement. Il vient me voir. Il a rien tombé. Pourtant, il a pris un camion personnel, il a fait un rendement. Il a pris un rendement 15 000. Il vient maintenant, tu dis l'argent l'a tombé. Il est me dit, il n'a qu'à faire quoi. Il s'est tombé, ça c'est national. Moi, je n'ai qu'à donner pas. Il n'a pas parlé. Il n'a plus voyage. Je veux que même mon chauffeur va me dire, il y a eu accident. Mon arrêt est tombé là. Si je vais, il te pousse à la fin. Pourquoi donner voyage à lui et bien laisser mon camion? J'ai déjà compris. Tout le monde va dire que j'ai perdu mon argent.